بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، عندك يا محمد كم الحركات؟ ثلاثة. حركات إلى كم كم كنا؟ عندك أربعة، ستة، سبعة، ثمانية. شو لا بيجي يا نفوس؟ بعد أني دون الأسماء نحن. سامحوني تكلم سكوت. أعتقد شو كان لا يجي. علامة سجل حركة الاسم الضمة الفتحة والكسرة. السكون ليس في الاسم. طيب، وطيب المرفوع ندخل بعض نقول يا وهبي، المرفوع علامة الرفع يناكم يا نجا سكوت يكوني الأصل هي ضمة. نعم. طيب يكون كا الأليف والنون صار سيدون الفعل وطالد الأسماء النون يبقى ضمن الاسم أليف. تجي الأولاد يذهبون، هنا في المضارع مرفوع وعلامة الرفع هي الأسماء. الأسماء اللي في خير ريال أنا ما أبغى دموع نيجامبيك ليا بورسي الجمع. لا نيجامب أنا نيجامب فوقهم مرفوع بك ليا. Sans l'enseigner ou c'est ou tu l'as lu? J'essaie de me rappeler ce devoir, de me rappeler tous les exemples qu'on avait vu. Non, le fait d'avoir dit le ya, c'est quand tu l'as étudié ou c'est quelque chose que tu as lu? Non, c'est le fait de dire. Non, moi si je te pose la question, c'est pas pour te blâmer Allah. C'est juste. C'est juste que j'avais vu dans les derniers. Le ya, je le connais. Le ya, c'est pas possible. Non, mais c'est pour ça parce que je mélange. Ah, Allah, barak fik. Moi je vous ai cité l'ism al-mufrad. Vous vous rappelez? Mithmada ya Ayman. J'ai un talibou. Le fond, c'est un morfou. Également, quand est-ce qu'on trouvera la dhamma? Comment? Andek? Quand est-ce qu'on trouvera la dhamma? Non, morfou. Ben, j'aimerais. Dites-moi. J'aime taksir? Ah ouais, j'aime. Il y a j'aime Mohamed Salim, j'aime Moudakar Salim, il y a j'aime taksir. Si vous me dites jam' les frères. Jam' taksir et jam' mu'annaf salim. Taï, un exemple avec jam' taksir. Al-awlad. Ja' al-awlad. Ja' al-awlad, naam. Un exemple avec jam' mu'annaf salim. Ja'at al-muslimatu. Taïb, inshallah. Alamat al-jar, maïa al-af. Al-kasra. Un exemple. Faites des phrases les frères. Fil masjidi hakada. Dakhaltu fil masjidi. طيب ذهب إلى المسجد أحسنت. طيب الغيث لا pas encore لا pas une علامة الجر mais c'est pas la كثرة. يا كوا يعني ممنوع من الصرف. تجي نظرت إلى أحمد ici ça a été remplacé. On en a oublié dans المرفوع الممنوع من الصرف جاء أحمد. طيب en ce qui concerne Mejrour, quand il est précédé d'un Hafjar ou quand il est Mubaf, Mudafilé, ou sinon Al-Mamnu' min al-Sarf, à la place de prendre une Kathra, il prendra une Fatha. Taïb, ou Al-Mansoub? Al-Mansoub? Non, Al-Mansoub. C'est quoi ça, Al-Ama? Al-Fatha al-Asr. Mithal? C'est Ra'aytu Muhammadan. Taïb? C'est ce qu'on a vu ici tout pour l'instant. Taïb. Comment dire magazine? Bon. Madella. Et le pluriel? Madella. T'as une Madella, t'as une Madella, Madella, immeuble. Immeuble, Imara. Imara, Amair. Taïb, un passager? Raqibun. Pas Raqibun. Raqibun, c'est un kaf, pas qaf. Raqibun. نعم الرقيب الله عالم سيكون سيكوا كم مش كان كيتشوي Raqaba. Raqabtuka. C'est-à-dire quoi, je t'ai surveillé. Écoutez, frère. Vous voyez, Rokab, le jam. Appartement. Naam. Shakakun, naam. Le verbe repasser. On fait un kaf. Kawa. Non. Et après les autres, c'est facile déjà. Taïb, bismillah. On avait lu le texte, hein? Taïb. Bismillah. Ad-dars rabi'. Hein? Exercice grand 4. Al-Nif al-fa'il fi kulli min al-jumal al-atiya. Al-Nif, c'est-à-dire rendre au féminin. Taïb. Al-fa'il, le sujet. في كل من الجمل الآتية dans toutes les phrases suivantes. اشربتم القهوة يا إخوان اشربتن القهوة يا أخوات. طيب ici un exercice de lecture avant, je vous l'expliquerai après, on va revenir dessus. Souvenez-vous, on avait dit quoi, que quand deux sukuns sont rencontrés, on avait vu par exemple le تأنيف, par exemple tu dis ذهبت أو قالت, ici derrière il y avait par exemple Alif Wallam, c'est-à-dire il y avait deux secondes. Idal Taqa Sakina. On mettait une kasra, on disait quoi? Qalati al-mra'atu. Qalati al-bintu. Ici, la nouvelle règle, c'est quoi? C'est si on a une secoune sur un mime. Et derrière, il y a également une secoune, on dira quoi? Asharibtum al-qahwa. Mais sinon, la règle en général, al-as y'a al-kasra. Mais ici, on a mis une damma, et ça vous le verrez plus tard dans les autres livres. Sinon, à la base, c'est la kasra qu'on doit faire apparaître, mais ici, ce qui correspond le plus, c'est à la damma sur le mime. Tu dis pas asharibtumi akada, asharibtumul qahwa. Le fond, il altaqa sakine. C'est-à-dire deux secondes se sont rencontrées, et ici, c'est le mime al-jam, le pluriel. Le fond, madame. Tout le monde a compris cette règle-là? Hein? T'as pas compris, t'as... C'est écrit sur le truc, sur l'exercice. Regarde bien. Asharibtum, à la base, mais au-dessus du mime, un sukun. Écris un sukun, Allah, il va écrire. Sukun. Et le mot d'après, il y a un sukun. C'est vrai, non? Et il y a une règle. Si deux sukuns se rencontrent, tu peux faire bouger quoi? La lettre d'avant. Et ça, on l'a vu, je crois que c'était dans le 1. Voilà. Mais maintenant, devant toi, c'est quoi la règle? C'est al-mim al-jam'a. Le mime du pluriel, tu lui mets une dhamma, asharibtum. Ça, si tu fais quoi? Une lecture, une liaison directe. Me faut? T'as compris là? C'est-à-dire, si tu veux lire directement, asharibtum al-qahwata ya ikhwa, hakada. Et comme si tu disais, qalat al-mara'a, qalat al-bunt. Tu vois, t'as mis qalati. Mais sinon, à la base, c'est quoi? Qalat. Mais comme il y a eu deux secondes qui se sont rencontrées, tu as mis une kasra. Et là on a quoi? La dhamma. Et après on verra plus tard, je sais pas si on l'a pris, il y a la fatha. Comme quoi? Minallah. Minallah. Pourquoi on a mis une fatha? Ils disent les, pour pas que tu dis minallah takhfif. Là, pour qu'Allah, l'ordre de l'jalala, il reste comme il est. Minallah. C'est compris ça? Alors on a la kasra, la dhamma et la fatha. Taïb, inshallah. Et ça, je vous le dis, minallah, car on peut le voir souvent, ça. T'as vu? Tarfifan. Imaginez-vous, si tu mets une kasra, comment tu vas le lire? Minillah. Khafif. Là, minallah. Hakab. Al-Fatha, Ansab. C'est plus facile. T'as vu, inshallah? Non. Allah, je ne sais pas. Moi, c'est le sujet avant toute chose. Est-ce que vous l'avez compris? T'as vu, inshallah? Tout le monde a compris là les trois? Taïb. Ça, ce qui concerne pour bien faire la lecture. Maintenant, l'exercice en lui-même, vous le connaissez. Si tu demandes à un groupe masculin, Azahabtum, Asharibtum, Alaibtum, le fond, Hada Djam' Mudakar. Ammal Djam' Mouannath, Asharibtunna, Alaibtunna, ila akhir. Hada ma'na, Annis al-Fa'al. Le fond, Inch'Allah? Taïb, Bismillah. Aqara'tum hadi al-Majallata ya Rijal. Andek? هذه المجلة يا نساء. هذه المجلة يا نساء. تخبيا. أفهمتم الدرس الجديد يا أبنائي؟ أفهمتم الدرس Al-Jadid. Si Alif ou Lam avant, tu mets. Ya Banati. نعم متى خرجتم من المدرسة يا أولاد؟ متى خرجتم من المدرسة يا بنات؟ لذا بوتا أسمعتم الأذان يا إخوان؟ أسمعتم الأذان يا أخوات. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرأيتم المدرس الجديدة يا إخوان؟ أرأيتم المدرسة الجديدة يا أخوات؟ مش مدرسة؟ مدرسة. ها؟ المدرسة. طيب. إن شاء الله تمناكم خير. طيب. درس الخامس. غن سانك. أمام كل جملة مما فيما يلي صيغتان للفعل. طيب يتجي devant chaque phrase فيما يلي dans ce qui va suivre il y a deux formes de verbe sira sira là-bas c'est quoi une forme siratan c'est le duel اختار الصيغة الصحيحة وأكمل الجملة il te demande choisis la bonne forme بارك الله فيكم et après corrige la bonne phrase طيب regardez bien on va faire le premier exercice tous ensemble on a entre parenthèses on a قرأتم et قرأتنا on va regarder d'abord à qui on parle pour ça ne placez pas le verbe directement on a Al-Qur'an Al-Yom on a quoi après Ya Abnai automatiquement c'est quoi Jam Al-Mudakar et là on dira quoi A Qara'tumu Al-Qur'an Al-Yom Ya Abna le fond madame Inch'Allah et ici d'appliquer la règle au niveau de la liaison on s'est arrêté où je ne la vois où t'as regarde bien Allah avec Mata كيف متى من مكة؟ غسلتن وجوهكن بصابون نعم سي لافي ici لافي الوجو سي كوا وجو الفيزاج مفهوم الصابون هو الصابون من اي اذاعه سمعتن الاخبار يا بناتي نعم من اي اذاعه سمعتن الاخبار يا بناتي من أي باب دخلتم المسجد يا إخواني دخلتم المسجد pourquoi مكسرة كم سيفخر كمخان فتى من كسرة المسجد مش بابا دي باب من أي باب دخلتم المسجد المسجد pourquoi الله المسجد مسجد et pourquoi c'est une masjida barakallahu fik parce qu'il est mef'oul bi c'est à dire l'action d'entrée c'est fait où dans la mosquée barakallahu fik طيب الله يبارك فيك طيب من اي باب دخلتم المسجد يا اخوان au suivant très bien لما فتحتن النوافذ يا بناتي ما شاء الله Tout le monde a compris, Inch'Allah. Tu as compris, Asman? Bien, bien? Oui. Abdel Karim? Makata? Min Makata ou Min Makati? Min Makato, non, c'est pas possible. J'aurais pu dire Min Makati, mais Mikato, là. Là. Inch'Allah, ça c'est une erreur, Inch'Allah, on ne fera pas ça. Min Makato. Min Makati, ouais, Min Makata. Non, Allah, j'ai dit Min Makato. تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية كان on n'a pas étudié encore طيب كان عكس إن c'est l'inverse de إن قلنا ماذا تنصب الاسم وترفع الخبر. ما معنى العكس؟ فعل الجرس دينا سترفع الاسم وتنصب الخبر. اكتبوا هذا. طيب si tu veux que ça t'aide t'écris par exemple inna zaydan maridun. طيب si vous voulez pour que ça va vous aider, inna zaydan maridun, et tu mets kana zaydun maridun. Tu travailles beaucoup avec cet exemple là, ça va beaucoup t'aider. Comment? C'est laïsa min akhawat kan. Kana c'est la base oum el bab. C'est dommage. Comment? Ah, voilà. Inna, comme on dit, oum el bab. Et après, le reste, c'est akhawad, de la même famille. Kana, c'est la base. Et le reste, c'est de la famille de Kana. D'accord, Inch'Allah? Alors, mettez inna zaydan maridun. Kana, l'ax. C'est l'inverse de inna au niveau de quoi? Du travail. Tu diras quoi? Kana zaydan maridun. Le fond, wa kana la ma'na. D'accord? Ils disent quoi? يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي اما مع الانقطاع اما مع الاستمرار. سيدي قواسا بارك الله فيكم. سيدي كل خبر tu lui as donné quoi le اسم, c'est dire il a quoi une information. طيب اما في سيدي قوا في الماضي. quand tu dis كان زيد مريضا, متى كان مريض؟ في الماضي. مفهوم هذا؟ tout le monde a compris. اما مع الانقطاع. Maman Ahada, ça veut dire, c'est pas forcément juste quand tu vas parler. Quand tu dis Kana Zaydun, Maridan. Pourquoi ils ont mis ce point très, c'est très précis par rapport quand tu vas l'utiliser avec l'œuvre de Jalala. Quand tu dis par exemple Kana Allah Ghafur Rahim, est-ce que ça veut dire qu'Allah, il est miséricordieux qu'avant? Là, il a Yom Al-Qiyama. Mais ça, tu vas le voir beaucoup dans le Coran. Kana Allah Ghafur Rahim, Hakada. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors ça veut dire, quand si tu l'utilises avec une personne, la description elle est au passé, à part si tu ramènes après un indice qui nous permet de savoir hier, que par exemple tu kana zaydun maridan ams. Le fond wa ila al-as huwa yufid fi al-madi. Naam. Ittisaf al-ism. Ittisaf al-ism bil khabar fi al-madi. Comment? Ouais. Non, toujours. Allah est toujours miséricordieux. Même avant de nous créer, il avait ses sifat. Non. Bah oui. Bah oui. Et si je vous dis par exemple, inna salah kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Est-ce que la prière c'est un moment prescrit au temps du prophète ou il a yom al qiyama? Ma'ana huna kanat mada tufid al-inqita ou l'istimrar? L'istimrar. Mais faut là enfin l'importance de savoir comment. Taïb on est en retard alors. C'est compris ça, Inch'Allah? Tout le monde a compris le travail de kana tarfa al-ism wa tansab al-khabar. Ou al-ma'na, tout le monde a compris maintenant le sens de kana? Comment? T'as pas compris en français? La traduction, ah, kana, ça veut dire il était. Kana zaydun mariban. Taïb? Si je vous dis kuntu mariban, j'étais malade. Me foum? Et si je vous dis Anna Marid, c'est différent. Je suis malade. Anna Mubtada, Marid, Khabar. Là, je vous informe. Mais si je vous dis Kuntu Maridan, j'étais malade. T'as compris là? Et Kana, je crois, c'est l'équivalent du verbe être. T'as le fait que. Pardon. Le fait que la description, elle est déjà passée, mais qu'elle peut continuer dans le présent, dans le futur. Uniquement dans les exemples, c'est que dans le Coran, même dans la vie normale. Non, après, j'ai dit, s'il y a des indices qui nous le permettent, il n'y a pas de mal. Tu vois, mais tout ce qui concerne le Shara, il ne faut pas dire que c'est qu'au passé. Vous comprenez ? Là. Aït Rabbil Alamin, par exemple, le verset qu'on a lu sur la prière, là, ça c'est jusqu'à la fin des temps. C'est pas juste au temps du Prophète, la prière était à une heure bien prescrite. Là. Vous comprenez ? Pour ça, c'est bien de savoir l'importance des sens de ces mots-là. T'as compris là, Wahdi ? Ah, j'ai compris, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, j'avais compris que c'était quoi, internet. Parce que les exemples que tu me donnais, c'était par exemple entre le N ou même dans la. Non. Mais est-ce que c'est valable aussi dans ma vie quotidienne? Oh, il y a un, bien sûr. Si par exemple je te dis Kuntu Maridan, ça veut dire quoi ça? J'étais malade, donc on comprend que c'était au passé. Par exemple, Kuntu, qu'est-ce que je pourrais dire? Kuntu Najaran. J'étais un menuisier. T'as vu, ici je me dis Kuntu Najaran, il a l'ams. C'est-à-dire, je dis, même hier j'étais encore menuisier, j'ai arrêté à partir d'aujourd'hui. Il y a une karina. Mais fond? Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire Kuntu Maridan, l'an, c'est-à-dire jusqu'à maintenant? Il y a la karina, zarf. Tu vois, ça il faut demander parce que kana tufid al madi al an, c'est quoi? Zarf zaman, c'est à dire jusqu'à maintenant. C'est à partir d'une karina, ça permet de quoi? C'est à dire de changer le temps d'avant. Mais faut madame, c'est pas forcément que par exemple comme tu viens de demander, est-ce que c'est juste le shara kalala, même dans la vie courante. Est-ce qu'il y a de la musique? Maintenant, en ce qui concerne Kana, Barakallahu fikoum, la différence avec Laïssa, on avait dit quoi? Elle fait le même travail. Tarfa al-ism wa tansab al-khabar. Mais c'était quoi? On avait dit que Laïssa, c'est quoi? Fiel? Jamid. Jamid. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas être au mudara ni au amr. Ama que Kana, naam. Il sera au madi, au mudara et au amr. Kana, yakunu et kun. فهم كان الماضي يكون يكون أمر ها كن فيكون طالما تدي كن طالبا مجتهدا سيكو هذا أمر مفهوم هكذا عليكم السلام tout le monde a compris les trois temps là كان طيب après on a dit quoi يكون et الأمر كن soit un élève studieux. Après qu'est-ce qui se passe également? Kana, son ism il peut être Zamir ou il peut être quoi? Ism Zahir Kuntu Maridan. Un ism Kana huna Zamir Mifum Kunta Maridan Kunti Maridatan Kuntum ila akhir. C'est compris ça? Tu le conduis comme un verbe Dahabta Dahabti Dahabtum ila akhir. Mifum également même si on parle de quelqu'un Zaydun kana maridan. Il est où le Bamir ici? Là, Mustafir, comme si on disait quoi? Zaydun Zahaba, il a le masjid. Kana, son ism ici, il est quoi? Sous-entendu, c'est Houa. Et maridan, c'est quoi? Khabar. T'as vu, Inch'Allah? On se concentre tous, hein? T'as vu, Inch'Allah? On a dit quoi? Kana, il a les trois temps. Mavi, Mudara et Amr. Kana, Yakunu, Kun. Le ism de Kana, il peut être quoi? Zamir, et il peut être également ism Zahir. En ce qui concerne les bamaïr, maintenant, alhamdulillah, grâce à Allah, on les connaît tous. Tu l'appliques comme le verbe dahaba. Kuntu, kunta, kunti, kuntum. Mais fond, kuntunna. Taïb. Si on parle d'un frère, on dirait quoi? Kana. Si c'est une sœur? Kana. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Maintenant, si on parle de quelqu'un, c'est-à-dire si on sait un ism dahir, on dirait quoi? Kana Zaydun Marid. Kanat Aminatu Maridatan. Kana, on dirait quoi? Al-Auladu Marra. مفهوم كان on veut dire quoi كانت المسلمات ايام مجتهده ça on verra pourquoi il est mesro. Tout le monde a compris là, c'est à dire quoi ism dhahir et le dhamir ma Abdul Hamid ism dhahir c'est le prénom les noms مفهوم et dhamir c'est les pronoms très bien inchallah ça je vois si j'en oublie طيب c'est ce qu'on a appelé comme ça, on l'appelait que Mutasarif. Mutasarif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a les trois temps. Le fond? Et également, il manque quelque chose par rapport à Kana. On avait dit quoi sur l'Essa? Fial Naqas, même un Naqas. C'est-à-dire, il ne se suffit pas de son. Quoi? L'amiek tafib et marfoui. C'est-à-dire, son marfoui ne lui suffit pas. Kana Zaydoun. Je viens vers toi, je dis Kana Zaydoun. Hakala. Kana, yahtaj ila ismi wa ila khabar. كان زيد مريضا كان زيد مجتهدا إلى آخر. طيب إن شاء الله. طيب on répète vite fait après inshallah on lit. Alors on répète كان on a dit quoi تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب وكان تتصرف على ماذا الأزمنة الثلاث ماضي مضارع والأمر يغلي تخوتهم كان يكون كن نفهم هذا إن شاء الله. أخونا دي كوي اللي ناقص ما معنى ناقص نعم نفكر مثل يا أخوي لابد من دا اسم دا خمسة دا اسم دا خبر. طيب إن شاء الله également on a dit quoi que le اسم كان peut être un ضمير ou un اسم ظاهر. Et par exemple les ضمائر comme quoi كنت كنت كنت كنتم زيد كان آمنة كانت إلى آخر. En ce qui concerne l'ism al-Bahir, on dira quoi? كان زيد مريض كانت زينب مريضة. Le fond, jusqu'à là? كانت كانت كانت مريضة. Le deuxième signifie, je répète au cas où, كان زيد مريضا. كان زيد مريضا كانت زينب وآمنة مريضة. هكذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا لا فضل مال الله يبارك فيك. نعم. بلال تجي تدخلها في سي سي كات تحفة. أنت سنتي جدي دل دبارة. ما سكش ودي ذا سي سي داني لي. طيب. كان يفيد اتصاف الاسم نديب بالخبر في الماضي. C'est vrai que j'ai pas trop envie de répéter, eh bien, mais c'est pour qu'on puisse avancer. Ouais, les frères, ils ont ramené les appareils, tu vois. On va les vérifier comme. C'est bon, Inch'Allah ? Tout le monde a compris ? Ouais. Al-Mudarrisu fil fasl. Kana al-Mudarrisu fil fasl. Qabl khamsi daqaiq. T'as Inch'Allah ? Mais si vous n'avez pas donné le mansour. Mais sinon. Fil fas, après ça vous le verrez, haf jafi, wal fas, et tout ça c'est quoi? Khabar, kana. C'était mieux si vous donnez un exemple plus simple. Kana zaydun maridan. Si vous voulez l'écrire, c'est mieux. Taïb. At-tullabu fil maktabati, kana at-tullabu fil maktabati, qabl nisfi sa'atin. Ummi fil matbakhi, kanat ummi fil matbakhi, qabla khalil. Taïb, une chose, en disant ça, je vais me rappeler une chose. Le fait que kana il a les trois temps, automatiquement, vous lui donnez la règle de quoi ? Du verbe dahaba. C'est-à-dire que si kana est en début de phrase, tout ce qui viendra après, il peut être mufrad, musanna ou jama. Amma idha kana al-ism qabl kana, qu'est-ce qu'il faudra faire là ? Donner de l'importance. Zaydun kana. Me faut ? Tout le monde a compris là ? Mais si vous dites al-awladu kana, kanu. Me faut madame, inshallah ? Vous faites attention à ça. T'as compris? Aminatu kanat. Aminatani ou albintani kanata. Le fond malin? Faites attention à ça. Si kana est en début de phrase, le ism peut être singulier, duel ou pluriel. Mais si le nom il précède kana, kana il faut quoi? Il donne de l'importance à ce qui le précède. Taïb inshallah? Taïb bismillah. Al-Mudir fi ghurfatihi. تفضل يا سامي. كان المدير في غرفته قفل فبادي قفل. pourquoi on peut pas mettre alif lam dans ghurfa? pourquoi on peut pas mettre alif lam? ouais toi t'as dit fil ghurfa. non la ghurfa elle est définie là. c'est n'importe quelle ghurfa il est le problème le directeur dans la sienne. mais pourquoi on peut pas mettre alif lam? toi tu l'as lu avec alif lam et je t'ai corrigé. C'est-à-dire il est mudaf et on a dit que le mudaf il peut pas être quoi comme ça ma alifa. Ça veut dire pas on dira pas ma. C'est-à-dire il peut pas avoir quoi alif wa lam. طيب في غرفته. Très bien. قبل الساعة. Au suivant. كان الوزير في لندن قبل. في لندن. في لندن قبل أسبوع. نعم كان الوزير في لندن قبل أسبوع. Au suivant. كان أخي في مكة قبل أربعة في مكة فما مكة في مكة قبل أربعة أيام. نعم كان أخي في مكة قبل أربعة أيام. كان الأطباء في المستشفى Très bien. Et si on aurait mis Atiba au début, on aurait dit quoi, Abdelmajid? Kanu, mashallah. Hein? Al-Atiba Kanu fil Mustajfa. Qabl, Tulofi, Sa'at. Et on a dit que Kana il faut. Et si on aurait dit par exemple Al-Atiba Kanu fil Mustajfa, il est Ismi Kana. C'est pas de mal, vas-y. Al-Atiba Kanu fil Mustajfa. Kana il faut. C'est un khabar. Le waouh. Le waouh, ahsant. Ben, Inch'Allah, c'est comme quoi? Zahabou. Hein? C'est pour ça, prenez bien le tableau. Au suivant. À voix haute, hein? Naam. Kanat talibatu fil maktabati qabl qalil. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein? Ta'ammin al-amthila, thumma yaqra al-jumal al-atiya ma'a al-dhabt al-mim. والحروف الساكنة الأخرى. طيب لا سلغاي كنا في ديل ديباغ لان va se retrouver avec quoi? Avec un mim ساكن au dessus du mim une سكون et qui sera suivi avec un nom qui a quoi également? Un سكون. Ça fera quoi? Deux سكون qui se rencontrent avec le mim, on lui mettra quoi? Une damma. Le fumada inshallah. Tout le monde a compris? Alors qu'à la base on a dit al-asmaya al-kasra là al-mim amma avec Allah tu diras min Allah. طيب بسم الله هنا أقرأتم هذا الكتاب أقرأتم القرآن مفهوم تفضل يا سيكي أو تعطيه وهبي وزي أرأيتم أرأيتم حامد لا آه عفوا لا تجر في لف السكون بس في الدائرة في كوكي بيان مفتوح ها هي على غير لسي في لف كميني أرأيتم حامدا C'était toute la ligne, Wahbi. Très bien. Araitumu al-mudarrisa. Très bien. Taïb, c'est bien. Au suivant. Al-baytu, toujours. Allah y vérifie. Kharajat aminatu, très bien. Ça y est, un instant, c'est-à-dire là tu as dit Kharajatu al-Bintu. Kharajatu al-Bintu. Et voilà. Binta. C'est Binta. Bintu. Non, bah. Je te laisse réfléchir, vas-y. C'est elle qui est sortie. Moi je viens vers toi, je te dis Akaltu. C'est qui t'a mangé? C'est moi, mashallah. Bien répondu. Je te dis Kharajatu. C'est qui est sorti? C'est moi encore. Allez, moi je vais dire comme t'as lu. T'as dit Kharajatu al-Bintu. C'est qui sort là? C'est moi ou c'est elle? Ouais, c'est moi. Ouais, mais de la manière dont t'as lu Kharajatu al-Bintu, qui sort là? C'est moi. Si elle ne sort pas alors. Moi je veux que tu comprennes l'erreur que t'as faite. T'as compris Daoud là comment tu lis? Alhamdulillah, t'as bien répondu. Akaltu, c'est moi qui ai mangé. Kharajatu, c'est moi qui est sorti. Mm. Et toi, t'as lu Kharajatu al-Bintu. Qui a fait l'action de sortir? C'est moi ou c'est elle? C'est elle. Et alors, c'est quoi le tout ici? Bah, c'est pour la liaison, non? La liaison. Et moi, j'ai dit. C'est pas un mime. Ah là. Alors, on dirait quoi? Kharajati al-Bintu. T'as compris, Daoud? Barakallahu fik. Hein? La damma, c'est quand c'est un mime. Elle vient. Le mime du pluriel. T'as compris là, Inch'Allah? Barakallahu fik. Man haza al-waladu? Man il-waladu? Non. Man il-waladu? Très. Alakum haza al-kitab? Comment on pourrait le traduire? Est-ce que c'est à toi le livre? Est-ce que c'est à toi la maison? C'est quoi le verbe? Le verbe? Alakum. Allah Adam, après toi, est-ce que. Regardez, laka. Précis, c'est de la possession ici, c'est pas une question de verbe. Est-ce que c'est à toi? Mais bon? Allah Alexis. T'as on continue, hein? Là, il nous a mis quoi le schéma? On a ce cône, Zaid, Alif Wallah, avec ce cône, Yusawi, Mada. Il nous a mis quoi là? Une kasra. Ah, c'est-à-dire ici, il voit le fa, attention. Vous avez compris là? Je crois que c'est pas bien écrit, hein? Mettez deux petits points en dessous du ce cône. C'est pour vous, hein? Vous avez compris les frères? C'est comme ça, c'était pas assez clair. Lui, vous avez mis directement une soukoune. Vous avez vu, non? Juste en dessous, vous lui mettez deux petits points. C'est-à-dire quoi? Atta. Atta plus quoi? Al-alif wa lam, tu dirais quoi? Atti. Hein, ça fera ça. Qalati al-mar'atu. Aou. C'est compris, Inch'Allah? Après, on a quoi? Al-mim. Ma soukoune. Zaid. Alif wa lam, on dirait quoi? Araïtumu al-mudarrisa ila akhir. T'as vu, Inch'Allah? Tout le monde a compris le schéma là, Inch'Allah? T'as compris? Non. On va pas comprendre que c'est. Là. C'est possible ça? Le frère il demande si quelqu'un vient alors il dit Kharajatil al-Bintu. Est-ce qu'on peut comprendre que le ti ici c'est comme si je parlais à la sœur? Vous avez compris la question du frère? Moi je viens vers Ayman, je lui fais par exemple. Si c'est lui qui est sorti, il dit Anta Kharajta. C'est ça que tu veux dire? Moi je vais vers une sœur, je dis Anti Kharajti. Le fond? C'est ça que tu veux dire? Mais est-ce que moi le fait de dire à la sœur Kharajatil al-Bintu, c'est possible ça? Mandek? Non, comment? Toi, t'informes là. Eh ouais, t'es en train d'informer et non pas tu parles pas à elle. Al-Mukhataba. Le fond? Si c'était elle que tu parlais, tu disais quoi? Automatiquement, il nous faut quoi? Elle dit Stifham. A anti kharashti? Le fond, madame? Hel kharashti? Tu viens pas vers une personne comme ça, tu dis kharashti al-Bintu. Non. La forme là? Barakallahu fi. Quelle est la fatha? Ah, tu veux dire par rapport au verbe? Non, mais également, ouais. Barakallahu fi. Taïb, on lit, hein? C'est à qui? Faddal Mohamed, à voix haute. Akultumu al-Mawza. Attends, ça ne suffit pas. Non, pourquoi tu mets pas une dama? Il n'y a pas de secoune après, très bien. Dialatum fil fafli, au suivant. Non, dakhaltumu al masjida, au suivant. Non. Sami'atum al adhan, au suivant. Très bien. نعم ألكم هذه السيارة طيب يا ألكم الكتاب ألكم الكتب الكتب طيب نعم من هذا الرجل من الفتى من الفتى لا في بطل الفتى سيدي أخوة الأدوليسون طيب نعم كتابة الطالبات الدرس نعم كتبت الطالبة الدرس. أين المديرة؟ المديرة خرجت الآن. لا فخرجت. خرجت. الآن. آه الله يبارك فيك. أني خفت attention. Si vous dites خرجت، là on parle à qui؟ On parle à personne directement. Le fond؟ Ah écrivez tout dessus là. Regardez bien. خرجت. Si tu dis ça. Mais là devant nous on a quoi؟ Kharati ou kharajati? On a le verbe à l'état pur. Le fond là ou là? Voilà. C'est-à-dire automatiquement, si tu as le verbe à l'état pur, ça fera quoi? Tu parles d'une personne non présente. Zaidun khara, on dit quoi? Ja. Aminatu khara jat. Vous avez compris là? Automatiquement, tu sais que c'est quoi? Ce qui vient après, il est sujet. Le fond là? Voilà. Fais attention à ça. Tu dis kharajat. Le fond? Ama si tu dis kharati, on avait fait une règle, c'était quoi? Que si le sujet vient direct après, on peut le, c'est-à-dire le damir il a accroché, la dernière lettre du verbe c'était quoi? Une seconde. Le fum kharajti, kharajta, kharajtum, il a rien. Non? Non. Mais où la différence, si je veux dire? Parce que là, comme moi, je m'arrête. Et je dis elle. Après, quand je fais la liaison. Toi, t'as fait la liaison, vas-y. Quand je fais. À quelques moules. Il faut pas après accalter le mauvais hein, qu'elle va avancer. Il faut pas sortir des gros waouh comme ça. Non, après c'est. Si tu t'arrêtes, tu dis Akaltoum, Al-Mawz. C'est pas Akaltoum, ni. Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est une liaison, ça. Tu dis, c'est de la lecture, ça. Mais bon, parce que par exemple, tu dis Akaltoum. Pour faire une belle lecture, Akaltoum, Al-Mawz, hein ? Hakada. Barakallahu fik. Taïb. Berce Samin, grand 8, Ta'amil Mayali. Là, Alhamdulillah, il va quoi ? Il va nous détailler comment on conjugue le verbe dahaba. Il est censé être appris et compris chez vous. Baraba Zaid Hu, on dira quoi? Baraba Hu. Taïb. Le bamir ici, c'est quoi, ya Samih? Sa'el ou Mef'ulbi? Et tu nous dis comment t'as su? Sami, je veux dire. Tu peux répéter, Inch'Allah. Là, on a dit Baraba Hu. Le bamir, c'est un Mef'ulbi ou un Sa'el? Si tu me dis c'est un Mef'ulbi, tu me dis comment t'as su? Si tu sais que c'est un Sa'el, tu me dis comment tu as su? Vamir, Mef'ul Bi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est par rapport à la dernière lettre. C'est la dernière lettre du verbe en lui-même, il est quoi, Meftouh? Darabahu. Mefhoum ala? Aïna al-Fa'al? Al-Fa'al. Parce que tout verbe lui faut un sujet, hein? Comme tout Mubtada, il lui faut un khabar. Il est où le sujet ici? Sujet ici? Ouais. Il est derrière. Regarde derrière, il est où? Où derrière? Il n'y a pas. J'ai pas compris, tu me dis derrière. Non, qu'est-ce derrière, il n'y a pas. Non, pas derrière. Tu veux dire quoi par là derrière? Ah, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais dire par derrière? Ah, c'est ça. Non, pas ce terme-là. Tu veux dire, moi, il est sous-entendu. Normalement, derrière ça, il y a le taille. Quand il est complet, quand il est mafetouh, derrière, c'est le taille qui est. Non, bien sûr, il suit. Pas fort, il ne sera pas obligé qu'il suit sans arrêt. Ah, moi, je peux te dire par exemple, Varaba Zaidan Umaru. C'est pas dans voilà, toi t'aurais dû dire quoi là? Il est sous-entendu. Roua, Mustafa. T'as compris Sami? Allah est barik fik. Voyak. Darabat Zaid Houa, on dirait quoi? Darabat. Darabat Hou. Aïn el Fa'al Houna? C'est le Ta. Le Ta. Le Khaïl a dit Ta. Qui est d'accord avec lui? Lève la main. C'est le Hou. Qui est d'accord avec lui? Lève la main aussi. Le frère il a dit le Ta. Bon, et après il est revenu. Il a dit maintenant le Fa'al c'est le Hou. Qui est d'accord, Hassan? Ah, n'est-ce pas, juste. C'est ça ta réponse? Ouais. Taïb. Arzman, c'est où le Fa'al? Le Taïk Sukoun. Le Taïk Sukoun. Qui est d'accord? Ça c'est Ta'anis. Aïn le Fa'al? Sous-entendu, Hiya. C'est comme il vient de faire Sami. Hiya. Mais faut, on dirait quoi? Aminatu Darabathu. Mais faut, Mala? Ntabi Yahu. Barakallahu fiik. Mais faut m'arrêter, man? T'as pas compris? Ah, mais là, normalement, c'est conclusion, là, ça y est. Ah, c'est le ta, alors, c'est comme. Là, c'est comme il a répondu, Wahdi. Le tatani, c'est quoi? C'est le signe de féminité. C'est-à-dire que la personne qui a été frappée par quoi? Par qui? Par une femme. Comment tu l'as su? Il y a le ta avec le tatani. Tatani, c'est quoi? C'est sujet? Ou c'est un signe de féminité? Ah, ouais, ça, il faut l'apprendre, ça y est, là. Aujourd'hui, on va finir quoi? On va finir à conjuguer le mauvais. Inch'Allah, dans la semaine, on va entrer dans le mauvais, là, les frères. Bah, pourquoi je vous ai dit, les frères, apprenez Zahaba par cœur. Le fond, non? Taïb, apprenez. Barabatou. Taïb. Barabta. Zahid Houa, on dirait quoi? Barabta Hou. Le fond? Apprenez. C'est à qui de lire? Taïb, fadal. Bah, vas-y. Barabta Hou. Aïn el Fa'al. Là, Barabta Hou. Ça, on l'a fait celui-là. Darabatou. Darabatou. Ouais. Darabatou. Tu dis où là, là, Fabrik? Non. Moi, je viens vers toi. Darabatou. Je te dis l'imam Darabatou. L'imaza Darabatou. C'est qui a frappé? Le Fa'al, le Fa'al. Non, je viens vers toi, Mohamed. Je dis, Anta, l'imaza Darabatou. Anta, Zahabta? Ah, Allah, Fabrik. طيب فاسي مخاطب سيك إلو الفاعل في ستة طيب أين المفعول بي ضمير طيب إن شاء الله لفخير طيب هذا هو التاء سي سيكوا ضربت ضرب فعل والتاء فاعل والضمير مفعول بي طيب إن شاء الله طيب هنا ضربت ضربتي je parle à une sœur là elle est face à moi je dis ضربتي et elle a frappé quelqu'un tu diras comment Non, mais lui, Abou, t'as dit comment? Darabtihi. Darabtihi. Pourquoi on n'a pas dit Darabtihu? Non, c'est pas que ça ne s'agit pas, c'est que c'est trop lourd. Ils sont saqil. Alors on a dit Darabtihi. Taïb, al-kasrat, une affaire, al-kasrat. Mais bon, Darabtihi. Anti-Darabtihi. Mais bon, là, l'imada Darabtihi. C'est compris ça? Aïn al-fa'al. C'est le cas, c'est-à-dire qui? Et le mef'ulbi? Ahsan. Barak. Taïb, faut pas dire Darabtihu. Toi demain, je t'enseigne le livre. À la base, Hu, c'est quoi? C'est un frère qui a été frappé là. Alors, on ne dira pas forcément frère, mais masculin, singulier. Moufrad, moudakar. Le fond, le frère, s'il applique réellement la règle, il a été dire quoi? Darabtihu. Le fond, alors on dit quoi? Darabtihi. Taïb, Inch'Allah. Après, on a quoi? Darabtu, Zaid, Hu. On dira quoi? Abdullah? لا ضربته طيب ضربته ضرب فعل وتو فاعل والضمير مفعول به لتخزي أبخونك وضربتم زايد هو يساوي ضربتم زايد الواو زايد ها ونجل أكوى أتوى وهذه ضربتموه خيبيا ضربتموه خيبيا إن شاء الله طيب نسا غوف دفخاك أفخابين تخصان ضربتموه لأوليا عندك يا أيمن Inch'Allah, tout le monde a compris le tableau là. Le waouh, c'est-à-dire ici, c'est le signe de Mim, et le Mim, et Damir, c'est le Mef'ul bi. Taïb. Aïna Talibul Jadid, Araïtu Mou. Afin, je ne sais pas, je répète. Aïna Talibul Jadid, Araïtu Mou. Très bien. Suivant, les frères. أين الحية سرطان لا أقتلتموه ها très bien بارك الله فيك أقتلتموها نعم هذا درس سهل أفهمتموه très bien ما شاء الله أفهمتموه أين المدرسون très bien. أين المدرسون أرأيتموهم. اقرأ الجمل الآتية مع الضمائر المذكور أمامها. Je te demande de lire les phrases suivantes avec les pronoms cités devant. On a رأيتم زايدهم. On dira quoi? رأيتهم. Très bien. فأنتم زايدها. On dira. فأنتموها. طيب. Après on a غسلتي و زايد هو on dirait quoi غسلتي احسنت طيب وجدت زايد هو هو je veux dire عفوا انا وجدته نعم قتلتم زايد ها قتلتموها سمعتم و زايد هو نعم احسنت on va s'arrêter là inshallah comme ça après on fera le tableau en même temps apprenez le par cœur normalement si vous révisez bien on peut faire deux leçons demain, Inch'Allah. Parce que c'est que de la lecture. C'est-à-dire, on peut s'arrêter à la leçon 9, Bismillah. Barakallahu fikoum. Oui.